ange sur la terre, chapitre 16. Un rendez-vous. J'ai un rendez-vous, disait le lendemain Martial à ses amis en commençant sa toilette, cette œuvre des Danaïdes. Fabian et Gennaro qui travaillaient ne répondirent pas. « Tous ces rendez-vous me fatiguent, » poursuivit Martial. « Ils me font perdre mon temps. » Même silence. « Je ne dis pas, » ajouta-t-il après s'être retourné, pour s'assurer que ses amis n'étaient pas endormis, « je ne dis pas et je ne veux pas dire que je suis ennemi des aventures. Je suis homme à mener de front 20 intrigues à bon port. Mais j'ai pris la résolution, même silence. » Le rendez-vous de ce matin, poursuivit-il, après une pause pendant laquelle il put se convaincre que ses amis avaient également pris une résolution, celle de ne pas desserrer les dents, le rendez-vous de ce matin, je le céderai volontiers à l'un de vous. Silence prolongé. Ah ça ! Exclama enfin Martial. Sommes-nous par hasard ici au couvent de la Trappe ? Plutôt ciel ! Dit Gennaro. Voilà un impertinent plutôt ciel qui me le ferait désirer, répliqua Martial. Sache donc, apprenti diplôme, que la raillerie va mal au Machiavel. Talleyrand, qui s'y connaissait, a dit que la pensée était faite pour dissimuler la parole. Il a dit tout le contraire, répliqua froidement Fabian. Tais-toi, tais-toi, paisible rivière. Et gèle-toi comme la Neva au mois de janvier. En vain voudrais-tu m'en remontrer? Je dois savoir un peu mieux que toi ce qu'a dit Talleyrand. Ce n'était pas un poète pour que tu puisses citer ses reparties de mémoire. Allons, au fait, lequel de vous deux veut aller à mon rendez-vous? J'ai rendez-vous avec mes livres, et cela me suffit, dit Fabian. Le rôle de suppléant ne me convient d'aucune manière, ajouta Gennaro. Le silence recommença. « Vous ne me demandez pas ?» dit au bout d'un moment Martial, qui venait de dessiner avec amour sur sa tête l'arrêt la plus perfectionnée. « Vous ne me demandez pas seulement le nom de celle qui m'a donné ce rendez-vous ?»« Ce sera sans doute, » répondit Gennaro, « la sœur de ce notaire, cette respectable fille, » dont le râtelier est à la débandade, le nez en ligne diagonale, le teint couleur de pain d'épices et la tournure en Z. Tu devrais savoir, répliqua Martial d'un ton grave, que cette vieille, antique et caduque plaisanterie me déplaît, me fatigue, me pique et m'est pénible, d'autant plus qu'elle n'est fondée que sur une donnée fausse, inexacte et incertaine, qu'elle manque à la fois de vérité, de grâce et d'actualité. Tu sais fort bien, renard subtil, qu'elle est sortie tout armée de ton cerveau, foyer de conceptions incohérentes et d'utopies antiplatoniques. Ouf, Martial, tu viens de t'élever, du premier coup, à l'apogée du genre. Et je te reconnais, grand maître du pléonasme, s'écria Fabian. Mais ce fameux rendez-vous, ne t'aurait-il pas été donné par cette petite Manola, grisette, qui t'appelle Roustial, et que tu charges quelquefois de la mission de remettre des boutons à tes « Vous errez dans les bas-fonds, chers amis. La vérité est que vous n'y trouverez pas, siège dans des régions beaucoup plus élevées. Mais d'où donc sur la voie ? Impossible. Allons donc, tu grilles de nous le dire. Et vous de le savoir. L'un et l'autre. Vous voulez le savoir ? Oui, et 100 fois oui. Ouvre-nous ton cœur et ta bouche. Eh bien, vous ne le saurez pas. Martial mit tant d'action dans son énergique refus que l'effet électrique s'en fit ressentir jusqu'au peigne qu'il tenait à la main, qui, faisant fausse route, conduisit en ligne directe l'arrêt jusqu'à l'oreille. « À quoi bon ce mystère ?» dit Gennaro sans cesser d'écrire. « J'en connais le secret. »« Toi ? exclama Martial. Peux-tu bien pousser jusque-là ta prétention de tout savoir? Tu te trompes, tu t'abuses, tu te fourvoies, tu t'égares. Celle qui t'a donné ce rendez-vous, Martial, est une personne qui ne tarit pas sur ton éloge. Il n'y a là rien d'étonnant, dit Martial en remontant le col de sa chemise. Elle dit, ajouta Gennaro du ton le plus sérieux, que tu es le plus joli garçon qui ait jamais foulé le pavé de Séville. Tu ne précises rien, tu ne désignes personne, repartit Martial d'un air satisfait. Toutes ces choses, bien des femmes peuvent les avoir dites. Celle qui s'exprime ainsi sur ton compte, termina Gennaro, est la personne qui, hier au soir, t'a dit à voix basse de venir chez elle à midi. C'est la marquise de Alocaz, qui ne me paraît pas aussi insensible qu'elle en a l'air. Un rendez-vous secret. Après tous les éloges qu'elle fait publiquement de toi, cela me ferait supposer que tu as fait à la fois la conquête et de la rose et du bouton. Heureux mortel, qui, comme les pyramides, voit défiler à tes pieds les générations pour te rendre hommage. Foi de gentilhomme, si je croyais ce que tu viens de me dire, Gennaro, j'en serais fâché, dit Martial, dont le candide amour-propre était assez porté à croire tout ce qui pouvait le flatter. Pourquoi, superbe jeune homme? Parce qu'il est à supposer que, comme charité bien ordonnée, commence par soi-même, la marquise mettrait des entraves à mes relations avec sa fille. Tu as une oreille de lièvre, une langue de perroquet et des yeux de lynx, perfide renard subtil. Une autre fois, sache entendre, voir et te taire. Impose le silence à ta langue et mets un cadenas sur tes lèvres. En disant ces mots, Martial sortit majestueusement de la chambre après avoir jeté un dernier coup d'œil à son miroir. « C'est le démon que ce Gennaro !» se disait-il en descendant l'escalier. « Comment a-t-il découvert que ma tante avait un caprice pour moi? Je ne m'en serais pas douté. Une femme qui pose pour la veuve du Malabar. Après tout, elle est de chair et d'os et sujette aux faiblesses de l'humanité. On aurait tort d'être trop sévère, trop rigoureux, trop exigeant envers ces faibles filles d'Ève, et, moins que tout autre, celui qu'elles honorent de leur attention. Comment sortir de cette impasse où me pousse la fortune? Je suis bien décidée en faveur de la fille, mais comment faire entendre raison à cette nouvelle Phèdre? Ah, quoi qu'en disent les poètes dans leurs vers et les vieillards dans leurs regrets, tout n'est pas rose dans la jeunesse. Martial entra chez la marquise d'un air qui flottait entre la gravité du chaste Joseph et ce contentement de lui-même qu'éprouve un homme qui se croit apprécié et aimé. Quand il se fut assis, la marquise se leva et fut fermer la porte. « Il n'y a plus à en douter, » se dit-il en étirant son gilet. La marquise s'assit sur le sofa. « Approche-toi, Martial, » lui dit-elle, « je ne veux pas parler haut. »« Ces veuves parfaites, » pensa Martial, « n'y vont pas par quatre chemins. »« Martial, » dit la marquise d'un ton bref et sec, « t'es-tu par hasard figuré que ma maison soit un café ou un casino ?» À cette question, Martial tomba des nues, aplati sur la terre, en levant des yeux effarés sur sa tante, qui lui lançait un regard menaçant comme la gueule d'un pistolet. « Señora, s'écria-t-il, pourquoi cette question ?»« Tu le demandes !» répliqua celle-ci, enflammée de colère. « Te crois-tu donc permis d'introduire chez moi le premier magot venu ?»« Si vous dites cela, ma chère tante, pour l'étranger que j'ai amené hier au soir, c'est un qui ?» Un charmant garçon, un homme de rien, un docteur, un gueux, un poète, un déguenillé, un savant qui connaît, quoi, toutes les lois du royaume. Voyez la belle recommandation. Il ne connaît pas même les lois du savoir-vivre. Mais enfin, qui est-il? Que fait-il? C'est le fils d'un alcalde, répondit gravement Martial. Il faut que tu sois bien hardi et bien effronté, poursuivit la marquise, et tu aurais bon besoin d'apprendre à te comporter dans le monde. Dans ta ridicule outrecuidance, tu trouves tout simple de compromettre tes parents et tes amis. Épargne-toi désormais le soin de composer ma tertulia. Je saurais bien le faire sans toi. Je ne veux pas qu'on puisse dire que chez la marquise de Alocat, on rencontre des gens mal notés, des piliers de tabagisme et de mauvais lieux, des chevaliers d'industrie enfin, qui, comme ton ami intime, n'ont pour recommandation que leur vertu révolutionnaire et leur titre de fils de maréchal Ferrand. Après ces paroles de sa tante, Martial demeura d'abord abasourdi. Mais reprenant bientôt son aplomb, et avec ce calme imperturbable qui ne le quittait jamais, il formula cet axiome. « Le maréchal Ferrand, ma tante, est un artiste. Son art appartient à l'art noble. Je ne veux ni dispute ni discussion avec toi, dit la marquise. Seulement, j'étais bien aise de te prévenir que, si tu es le maître de choisir tes amis, partout où tu le voudras, je suis, moi, la maîtresse de choisir ma société et de n'admettre chez moi que des gens qui me conviennent. Tiens-toi le pour bien dit. Est-il bien possible, ma tante? Exclama Martial, qui ne se laissait pas facilement déconcerter. Est-il bien possible que vous attachiez encore de l'importance à ces anticailles de mauvais goût que proscrit le bon sens? Que vous songiez à ces distinctions de noblesse et de parchemin? Ne sommes-nous pas tous égaux, comme de petits agneaux? L'homme ne tient pas sa valeur du hasard de la naissance, mais bien de son mérite personnel, de ses qualités, de ses vertus, de ses talents. « Je conçois, répliqua la marquise, que tu attaques les parchemins. Si du côté de ton père, mon cousin, tu es d'une noblesse sans conteste, du côté de ta mère, que sais-je, moi? J'ai toujours entendu dire que ton père avait fait un mariage disproportionné, qu'il avait dérogé en épousant ta mère. « Que dites-vous là, ma tante ? » exclama Martial, furieux, en se levant d'un seul bond. « Sachez que ma mère est une noblesse au moins aussi illustre que celle de mon père. Ma mère est de noble souche, elle est cousine du duc de Babounia, et elle a l'option entre ce duché ou la grandesse, ma mère, savez-vous ? « tout doux, bon neveu, je sais tout cela, » dit la marquise, en jetant un petit éclat de rire joyeux et sardonique. En te parlant ainsi, je voulais avoir seulement le plaisir de te voir mettre tes théories en pratique. Adieu, tête fêlée, tu peux te retirer, je ne te retiens plus. Sois plus circonspect à l'avenir. » Martial rentra chez lui, transporté de colère. « Je reviens furieux » s'écria-t-il en jetant son chapeau. « Tu as sans doute de bonnes raisons pour l'être, » dit le traître Renaro. « Quel orgueil, quelle intolérance, quelles idées de l'autre monde! C'est bien l'aristocrate la plus... Qui ça, ton amoureuse? Il est bien question d'amour et d'amoureuse. Je n'ai pas eu besoin d'imiter la continence de Joseph, fils de Jacob et petit-fils d'Abraham. Et pour cette fois... Ta perspicacité a été en défaut, mon subtil renard. Ton machiavélisme a été déjoué dans ses prédictions. Figurez-vous, si vous le pouvez, qu'au lieu d'une tendre et douce colombe, j'ai trouvé une furie, une médide, une harpie, un chat sauvage. Et la cause de cette grande colère? Demanda Fabiane. Je vous la donne en sang. De ce que j'avais introduit Tiburcio chez elle. Voyez le beau motif. En résumé, j'ai sonné la retraite. Et, désabusé sur le compte de la mère, je m'occupe exclusivement de la fille. Reine est bien un peu farouche et n'aime pas qu'on lui parle d'amour. Ses façons ne me déplaisent pas. J'aime qu'une femme se fasse valoir et ne prononce le oui final qu'au pied même de l'autel. « Sais-tu bien, imprudent Martial, dit tout à coup Renaro, que tu as introduit le loup dans la bergerie ?»« Comment ? Que veux-tu dire ?» demanda Martial alarmé. « En menant Tiburcio chez la marquise, répondit Renaro. La vue de ce jeune homme m'a paru faire sur la fille une impression plus agréable que sur la mère. « Quoi ? Quelle folie ! Ce n'est pas possible !»« Si fais bien, Martial, tu ne connais pas tous les caprices du sexe féminin. »« C'est impossible, te dis-je. Tiburcio, ce singe habillé en homme ?»« Qu'importe, Reine lui trouve une certaine couleur romantique. »« Romantique ? Quelle idée ! Si tu disais ridicule, à la bonne heure !» Reine prétend que son air mélancolique, son extrême maigreur et jusqu'à sa manière de parler lui sont sympathiques. Elle l'a surnommé Anthony. C'est inconcevable, inimaginable, incroyable, exclama Martial atterré. Mais la chose n'est pas impossible. On n'a pas encore tout écrit, tout dit, tout imprimé, tout défini sur l'extravagance de la femme. Le mobile, la source de ses caprices, sont aussi inconnus que les sources du Gange. Chut, chut, Fabiane, quand je dis du Gange, c'est du Gange et non du Nil, quoi que tu en dises. Tu peux être un bon poète, mais tu es un fort mauvais géographe, un triste orateur, un pauvre homme d'État. Ainsi donc, tais-toi, au nom de Dieu, tais-toi, et ne me fais pas, comme tu en as la funeste habitude, perdre mes inspirations. De ce que je t'ai surnommé ma paisible rivière, ce n'est pas une raison pour connaître l'origine de toutes celles qui coulent au travers du monde. Le fleuve, dont on n'a pas encore trouvé la source, c'est le Gange, et trois fois le Gange. Quant au Nil, il est célèbre par ses inondations et par ses crocodiles, mais ses sources en sont connues depuis longtemps. Mungo Park les a découvertes au cap de Bonne-Espérance. Les Cafres, les Hottentots et le roi des Mosquitos ont coutume de s'y abreuver. « Le roi des Mosquitos, dont les États sont en Amérique ?» exclama Fabiane en poussant un éclat de rire. « Où as-tu pris cela, Martial ?»« Je le sais parfaitement, » répondit celui-ci sans se déconcerter. Mais comme dans toutes les parties du monde, il y a des mosquitos, il doit y avoir au Cap un roi pour les gouverner, c'est logique, et tu en conviendras toi-même. Mais toi, Renaro, renard subtil, qui en sais plus que les serpents, pourquoi ne m'as-tu pas dissuadé de conduire chez ma tante, cette vipère, ton aïeul ? M'avais-tu consulté avant de l'y conduire ? Répondit Renaro. As-tu jamais, une fois en ta vie, « pris conseil de personne ?»« Il y a conseil et conseil. » »« Je me souviens maintenant que quand je m'approchais de ma cousine, elle était en grande conversation avec Tiburcio. J'entendis cette reine, indigne de l'être, lui dire qu'il y avait disette d'hommes capables, et ce crétin lui répondre que les hommes capables ne manquaient nulle part, mais que, malheureusement, aux hommes de valeur, on préférait ceux qui n'en avaient aucune. Il n'y a pas de doute, c'était une allusion. Vouloir entrer en lutte avec moi, au diable si cela s'est jamais vu. Avec un de vous autres, encore passe, ce serait ridicule et voilà tout. Mais avec moi, c'est d'une insolence pyramidale, d'une audace phénoménale, d'une hardiesse fabuleuse, d'une maladresse colossale.